Le propriétaire du restaurant Subway de Delbault-Mistassini, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Delbault-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à denradiosport.com. C'est une année olympique, Robert. Bon, ici Éric Tremblay de Haltech. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Haltech pour vos systèmes de climatisation et d'échangeur d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entier dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Haltech. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladeau, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladeau sur 227 6e avenue à Delbault-Mistassini vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Présentation de la Coupe du monde de patinage de vitesse, la deuxième tranche du territoire de l'Asie. Pour en parler, ben, on parle avec notre chroniqueur de patinage de vitesse sur Côte-de-Prince, François-Olivier Robert. Salut François. Allô, allô. Ça, François, d'abord, on va y aller. C'est en Corée, une place en Corée du Sud. C'est cet endroit, je pense, qu'aura lieu dans un peu plus d'un an, les Jeux olympiques. Oui, c'est exactement ça. C'est l'amphithéâtre des Jeux olympiques. Fébrilité. Moi, j'ai écrit un article sur notre site de la Fédération de patinage de vitesse puis du Québec. J'ai appelé ça fébrilité pré-olympique parce que c'est ça. Les athlètes arrivent dans un amphithéâtre qui est tout neuf. Il a été inauguré mercredi, je crois, mercredi ou mardi. Là. Vraiment, vraiment tout nouveau. C'est souvent le cas pour les Olympiques, hein, les dates de tombée là, pour les amphithéâtres puis pour les différents trucs, c'est souvent là. C'est comme l'année avant, là, ils donnent un an de jeu. Puis souvent, il y a les événements test là, qui sont tenus dans l'année qui précède les Jeux. Donc, comme là, la date de tombée était là, puis c'est arrivé juste à temps. Les athlètes, c'est toujours des belles sensations pour eux d'arriver dans un environnement qui savent que c'est leur rêve va aboutir là. Dans un an, dans 14 mois, là. Ils arrivent là, c'est déjà des fois il y a des couleurs des Olympiques, il y a les anneaux des Olympiques un peu partout, puis ils savent que c'est là qu'ils s'en viennent, puis je dirais que ça leur donne un avantage sur leurs coéquipiers du Canada qui ont pas la chance de faire cette Coupe du Monde-là. On le sait que en août prochain, il va y avoir les sélections olympiques. Mais ceux qui sont là en fin de semaine, là, c'est sûr que ça leur donne un avantage de déjà sentir de ça va être quoi en 2018, puis eux, ils vont vouloir... Tout le monde veut y aller au jeu, mais eux, ils ont comme un petit plus de... J'ai vu c'était quoi, puis okay, je veux absolument y retourner en février 2018. OK. Donc, c'est au 500 mètres, bonne performance de Marianne, troisième. Au 500 mètres, t'as-tu fini? J'ai le 500 mètres. Elle a gagné ses qualifications. Ah, OK, elle a gagné ses qualifications. Filles, donc, c'est peut-être une erreur. Les filles ont gagné. Okay. Toutes les filles se sont qualifiées pour sans avoir passé par le repêchage. OK. Super journée, en fait, aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. La façon que ça fonctionne aujourd'hui, c'est les qualifications. Tu te qualifies pas, tu as des chances de passer par le repêchage plus tard. À moins que tu sois disqualifié, ce qui est arrivé pour Samuel Girard dans une de ses distances. Mais sinon, toutes les filles ont passé directement. Ouais. Donc, ils vont toutes aller au quart de finale ou au demi-finale, ça dépend des distances. Donc, une journée vraiment, côté féminin, pas mal sans victoire, comme on les aime pour la journée du vendredi, parce que ce qu'on veut, c'est juste réussir à passer à la prochaine étape. C'est ce que Marianne a dit d'ailleurs dans une de ses communications. Elle a dit l'objectif, c'est de passer à la prochaine étape, puis on y est arrivé aujourd'hui. Puis après ça, ben, ça reprend demain, okay. Puis pour dans les quarts, puis les demi-finales, ça dépend des distances. Donc, Marianne, moi aussi, je suscite de l'Union Union de Skating Union, ouais. Autrement dit. Donc, on met Marianne troisième avec un temps de 43-931. Donc, ça la qualifie quand même. Et Cassandra Badette, on la met septième avec un temps de 44-27. Est-ce que tu as ça aussi? Non, moi, je suis allé voir sur le site de patinage. OK. Je l'avais sur le site de patinage de Vitesse Canada, puis c'était... OK, OK. Peu importe, là. Donc, première des qualifications. Cassandra, première des qualifications 500 mètres aussi de sa qualification. Mais en fait, parce qu'ils ont leur qualification. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, son temps a été battu par deux autres. OK. Là. Mais donc, elle a fini première de sa course quand même. OK. 1000 mètres. Moi, j'ai Cassandra Badette au 11e rang. Marie-Ève Drolet, 3e. Donc, Marie-Ève, probablement qu'elle s'est classée, hein? Sûrement. Pour les qualifications? Oui, ils sont classés. Ouais. Cassandra aussi, ils sont classés les deux. Ouais. Okay, okay. Marie-Ève, première de sa qualification. Cassandra, deuxième de sa qualification. Puis elle passe au quart de finale pour samedi. OK. Et j'ai aussi au 1500 mètres, au 1500 mètres, j'ai Valérie Maltais, premier. Ça va lui faire du bien, ça, Valérie. Oui, Valérie qui a qualifié sans problème pour les qualifications. Même chose pour Marianne. Même histoire, les deux se sont qualifiés pour les qualifications du 1500, pour les demi-finales du 1500. Ouais, mais Val, là, elle a pas eu de médaille la semaine dernière, mais pas loin non plus. Ça va bien. Je pense que ça va très bien, ces trucs. Puis, quand on s'est parlé la dernière fois, là, ce que je dis, c'est que je pense qu'il en manque vraiment pas gros pour qu'on parle plus d'elle, parce qu'elle va mettre le pied sur le podium, là. Je pense qu'elle est pas loin de ça. OK. Au 1000 mètres, maintenant. Donc, chez les hommes, t'as-tu une nouvelle de Charles Lamelin? Ouais, au 1000 mètres chez les hommes, j'ai ça ici. Il est pas au 1000 mètres, Charles, il faisait le 1000 mètres, excuse-moi, il s'est qualifié, pas de problème. Même chose au 1000 mètres pour... Non, c'est son frère, François, a été disqualifié. OK. Puis Sam Girard, lui, a été disqualifié au 1500 mètres. Mais il va pouvoir se reprendre aux 500 mètres. Il a gagné sa qualification, donc il va être des quarts de finale. OK, OK, OK. Donc, on va surveiller ça, puis on s'en... Samuel, oui. Ouais. François, on s'en parle lundi pour analyser tous les résultats? Certainement. OK, François-Olivier Robert, notre collaborateur de patinage de vitesse sur Côte-à-Piste.